Bamama Batata Bandeko, citoyenne, citoyen, militante, militant, il y a un père. Boyebi, année 1970, et Ali, année de bilan. Président Wabiso Joseph Désiré Mobutu, Akoye Bissa, binon bilan naye, Oye Bandaki, na, le 24 novembre 1965, te na le 24 novembre 1970. Nzete bimi, ria, ya, ria, ya. Nzete kei. Bamama batata bande, ko citoyenne, citoyen, militante, militant, ya un père. Boye bi malamu, oyali mbula, ya bilan. Tolingi, toye bisena, moto na moto, abongi sampe, ya ye bilan, mpoto tala, nini, toko sala na mbuloyo. E yali révolution comparaison. Sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala, sa longo, Alinga mosala. alinga mosala salongo alinga mosala salongo alinga mosala salongo alinga mosala salongo alinga mosala salongo